Et à l'instant, eh bien, il y a Raymond Poirier qui est au bout du fil pour sa chronique technologie d'information puisqu'il est chargé de communication à l'ITIS à l'Université Laval. Bonjour, Raymond. Bonjour, Tania. Et là, aujourd'hui, tu nous parles de sport, là. C'est assez rare. Tu vas nous parler de vélo connecté. Exactement. On a décidé de sortir un peu des thématiques habituelles. Au moment où on commence peut-être à ranger des vélos, peut-être qu'on peut commencer de notre côté à penser à l'année prochaine, à l'été prochain, et à voir aussi de quelle manière l'impact des technologies, l'impact du numérique vient changer un peu les manières de faire en matière de vélo. Et évidemment, en fait, premier axe auquel on peut s'intéresser d'emblée, c'est la question du vol de vélo. Ça reste une problématique, ouais. Autant à Québec qu'ailleurs. Et de quelle manière le numérique peut intervenir dans un contexte comme celui-là? Alors, je te donne quelques exemples. Ça va être une petite liste, enfin, un petit inventaire, cette chronique-là. Je fais une parenthèse, en fait, pour dire que je me suis inspiré d'un inventaire réalisé par les collègues de Proxima Mobile du côté de France, qui ont fait un beau travail de ce côté-là et qu'on peut retrouver, évidemment, là, sur leur site web. Alors, notamment, on parle de systèmes de vélo partage comme Sobi Social Bike du côté de New York et Carlebike également à Berlin, qui, eux, ont été un peu les précurseurs, si on peut dire, dans la mise au point de dispositifs pour localiser, pour verrouiller, pour déverrouiller aussi les vélos en libre service. Alors, l'idée, c'est que c'est basé sur les SMS, les messages textes. Alors, le code de déverrouillage est envoyé par texto. Ça élimine le besoin d'infrastructures de stations dédiées et présentes. Donc, on a simplement arrivé à demander, dans le fond, le code de débarrage. Ensuite, on le reçoit, on l'insère. Et on peut aller même un peu plus loin, dans la mesure où, on connaît un peu la notion des démarreurs à distance au niveau des autos. Eh bien, pour les vélos, il existe des débarreurs à distance. Avec une petite manette? Avec une application, tout simplement, ben parce qu'on n'a pas besoin de manette. Avec le téléphone, on a une position GPS. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a une entreprise, une start-up qui s'appelle Lock8, qui a mis au point un antivol fixé sur vélo basé sur smartphone. Donc, d'un côté, il détecte les changements de température, vibrations, les éléments qui peuvent, justement... signaler qu'on est en train d'être victime d'un vol. Et un peu comme avec une auto avec un système d'antivol, ça se met à clipper, à crier, à klaxonner. Et en parallèle aussi avec un système de localisation, quand tu t'approches de ta barrure, le téléphone intelligent envoie un signal à la barrure intelligente et ça se débarre automatiquement. Simplement. Ouais. Donc, c'est quand même assez intéressant. Donc, il y a des entreprises comme ça, comme Lock8, aussi comme Skylock, qui font des éléments comme ça, qui peuvent même, enfin, il y en a un, celui de Skylock, après une montée d'accélération, il y a une barrure assez rapide, puis une chute qu'on est en mesure de détecter, il peut même prévenir des secours, donc appeler automatiquement des services d'urgence. Wow! parce que là, ça peut être le vélo qui nous sauve la vie. Exactement, pourquoi pas? Et évidemment, je parlais du GPS, Tania, là-dessus. Je pense que quand on a l'idée de la géolocalisation, le premier élément qu'on peut penser, c'est l'idée des trajets. Oui. Alors, il y a possibilité, évidemment, de s'amuser à faire du calcul d'itinéraire en lien avec le guidage GPS, en lien avec le vélo. Et évidemment, tout ça a donné aussi une multitude d'idées d'applications qui peuvent être développées. On donne notamment l'exemple de GeoVélo, qui lui fait le calcul d'itinéraire, le guidage à vélo de manière personnalisée, donc évidemment qui nous renvoie aussi vers les pistes cyclables, donc essentiellement un GPS, mais pour les vélos, adapté au vélo, adapté au parcours en vélo. Il y a des applications aussi comme Between Maps, qui, elles, permettent de sélectionner un parcours de randonnée existant, puis de partager aussi et de créer des itinéraires de déplacement. Et ça, c'est aussi intégré, par exemple, du côté des offices de tourisme. On pourrait imaginer que dans une ville, on identifie les lieux à visiter, les lieux à découvrir. Et avec l'application, ensuite, tu vas télécharger. Là, ça te propose un passage, par exemple, sur une belle piste cyclable en bord de fleuve, en bord de mer, qui t'amène à tel lieu que tu peux découvrir et ensuite qui te fait faire tranquillement le tour de la ville comme ça. Mais Raymond, aussi, on parle toujours là, de la collecte des données, là, que ça vaut de l'or. Mais avec ça, on est capable aussi de retracer les trajets des gens. On sait quels sont les parcours les plus utilisés par les utilisateurs de vélos. Les retracer et les partager. Aussi, je te donne un exemple d'application comme VéloTrack ou CycleMeter. Eux, ils calculent en continu la durée, la distance, l'altitude, le rythme des sorties. C'est restitué en fait en, par la suite sous forme de cartes, de graphiques, de calendriers. Et si tu es sur un parcours enregistré, mais tu peux aussi faire, entre guillemets, la course contre les autres utilisateurs qui l'ont déjà emprunté. Ouais. Donc, on enregistre les temps. Tu vois si tu le fais, si t'es dans la moyenne, si t'es supérieur à la moyenne, si t'es le plus rapide, le moins rapide, etc. Donc, tu peux te comparer. Tu peux aussi avoir tranquillement un profil de cycliste qui est développé à partir de tes déplacements, voir ta progression. Si tu fais plusieurs fois le même parcours, est-ce que par rapport à la moyenne, oui, comment tu te dis par rapport aux autres utilisateurs, mais par rapport aussi au nombre de fois que toi, t'as fait ce parcours-là? Mais aussi, souvent les villes, on a l'impression que le gouvernement n'est pas nécessairement à l'écoute de nos besoins, mais on peut savoir quels sont les trajets les plus fréquemment empruntés. Et si on n'a pas de voie réservée, par exemple, pour les vélos, mais là, la ville peut se dire, bon, ben, clairement, tout le monde passe sur cette artère-là, donc on peut faire soit une voie ou une piste cyclable sur cette rue-là. Ben oui, en fait. Aussi, oui. Je pense prendre l'exemple, en fait, on saute à un autre en Autriche, Bike City Guide. Eux, d'un côté, ils optimisent le trajet en privilégiant les pistes cyclables, les trajets qui empruntent des rues secondaires et résidentielles. Et il y a une voie aussi qui indique côté déplacement, mais évidemment aussi, ça permet de répondre aux besoins des gens, donc de voir aussi quels sont les trajets qui sont empruntés, quelles sont les rues qui sont les plus empruntées dans cette logique-là aussi. C'est sûr qu'on peut pousser toujours un peu plus loin également. Il y en a un autre qui s'appelle Navikki à Rome. Et lui, en fait, permet d'un côté de localiser des stations de géopartage. Il indique le réseau de pistes cyclables et il permet d'enregistrer les statistiques de déplacement, les kilomètres parcourus, mais aussi les émissions de CO2 évitées, les économies réalisées en comparaison d'un déplacement en auto. Donc lui, il essaie d'évaluer. OK, si tu avais pris l'auto, ça aurait pris tel temps, tu aurais dépensé tel montant en essence et tu aurais dépensé tant sur l'impact environnemental. Donc ça permet vraiment de quantifier ton trajet en vélo. Si dans le même registre aussi, tu as Koro en Chine. Eux, ils ont un concept de vélo électrique qui s'appelle e-bike. Et eux, ça pousse un peu plus loin parce que l'idée, c'est aussi d'avoir accès à cette information-là. Je parlais de Bike City Guide tout à l'heure où, dans le fond, les indications sont données verbalement. Dans le cas de Koro, eux, ils ont fixé une tablette de 5 pouces sur le guidon. Et là, tu as des cartes, des mises à jour temps réel, des données sur la circulation, sur les accidents. C'est toujours bon à savoir, même si on est en vélo. Planifier les parcours, les points de charge, s'il y a des frais, faire la pression des pneus aussi, à la limite, là. Donc, ça peut aller assez loin. Mais il y a des trucs qui sont encore un peu plus poussés. Évidemment, c'est peut-être un peu plus, je dirais, si on permet le terme qui est plus ou moins rapport, mais presque peut-être un peu plus sexy pour les usagers, les gros usagers du vélo, là. Comme quoi? Et qui ont un téléphone intelligent, parce qu'il faut quand même avoir le téléphone intelligent. Audi, on connaît, constructeur automobile allemand, lui a dévoilé il y a quelques années un prototype de vélo tout-terrain électrique, entièrement en carbone, qui peut atteindre une vitesse de 50 km/h. C'est quand même rapide, là, ouais. C'est quand même rapide, là. Ce prototype-là dispose, en plus, d'une connexion sans fil qui permet de contrôler 5 modes de pilotage via le téléphone intelligent. Et sur ton téléphone intelligent, en plus, tu as le mode de pilotage que tu as choisi, tu as l'état de la batterie du vélo, parce que c'est un vélo électrique, tu as la vitesse, la distance parcourue, le dénivelé du terrain. En plus, si pendant que tu te promènes, tu fais un saut, c'est une figure acrobatique, en jouant un peu avec le système de cadrage pour franchir des obstacles, donc des choses comme ça, les figures réalisées, les points marqués aussi, parce que selon les figures que tu fais, tu accumules des points qui te mettent aussi en position comparative avec d'autres usagers de ce vélo-là. Et là, tu peux partager ce que tu as fait sur les réseaux sociaux en temps réel. Donc, j'ai fait un saut et j'ai eu 200 points. Là, ça apparaît sur ton Facebook, sur ton Twitter. T'as une petite animation peut-être du saut que tu as fait. Donc, ça peut quand même aller assez loin. Wow. Du côté de Cambridge Consultants en Angleterre, eux, ils ont créé un dispositif un peu dans le même genre où t'as de l'information sur la rotation des roues, la cadence de pédalage, le smartphone, ton téléphone intelligent qui est installé sur le guidon. Et les données recueillies par capteur sont analysées par une application qui crée un algorithme qui compare la vitesse de pédalage du cycliste à sa cadence préférée. Donc, si moi, habituellement, je roule à, mettons, 20 km/h, puis là, subitement, je me ramasse à 10, ben là, ça te fait une petite alerte. Tu te ramasses à 50, ben là, ça te fait une petite alerte. C'est comme, c'est pas normal, c'est pas habituel. Donc, peut-être tu vas un peu trop vite, peut-être que tu vas un peu trop lentement. Wow. Des choses comme ça. Là, Raymond, dis-moi qu'il y a au moins un endroit où on peut charger son téléphone à partir de l'énergie produite par le pédalement. Ben oui. Bon, ben okay. Oui. Bon, c'est évident, quand même. Là. Okay. Ou à tout le moins avec le soleil aussi, parce qu'habituellement, on est à l'extérieur en vélo. Oui, normalement. Donc ça existe aussi. C'est, okay. C'est parmi les applications qui sont proposées, là, évidemment. Et à ça aussi, ben on peut transformer aussi avec une roue connectée un vélo ordinaire en vélo électrique, pourquoi pas, en fait, puisqu'on aussi, pédale, ouais. Comme tu le disais tout à l'heure. Alors, tu mets la roue arrière avec un pneu qui est doté d'un petit moteur, d'une batterie, d'un capteur de couple, d'un GPS, d'un kit de détection. Et là, la roue capte l'énergie du cycliste, la stocke et la mobilise pour affronter une pente. Donc, toi, tu pédales, tu accumules dans le fond de l'électricité en pédalant. Et là, quand tu arrives dans une zone qui est beaucoup plus difficile, ben oups, t'as un petit moteur en arrière qui allume et qui t'aide à monter la côte. Mais là, ça vient pas alourdir le vélo, là, tous ces gadgets-là, parce que ça reste des gadgets. Bon, ça reste des gadgets. C'est sûr qu'après ça, c'est tout dépend de voir un peu l'utilisation qu'on en fait et l'usage qui peut en ressortir, si on peut dire, à travers ça. On parle donc d'éléments qui peuvent générer des données. On parle d'éléments qui peuvent aussi être favorables pour l'entraînement et le reste. Donc, est-ce que ça génère plus de poids? Ben, si, au bout du compte, c'est celui du smartphone, c'est celui de moteur, de microélectronique. Donc, ça reste quand même dans la logique du vélo, parce que on parle aussi dans certains cas, comme les vélos électriques, de vélos qui sont basés sur des modèles assez légers, donc les modèles les plus onéreux, les plus, je dirais pas luxueux, mais les plus efficaces peut-être aussi, les plus compétitifs, les plus rapides. Donc là-dessus, il y a quand même, c'est pas le petit vélo en gros métal que tu vas acheter pour faire juste des petits déplacements, des choses comme ça. Là. Non, c'est sûr, on est bien équipé avec ça. Oui, parce que reste que... Pour qui s'intéresse au vélo, moi, je suis un peu loin quand même de cet univers-là, mais je veux dire, les modèles, il y en a une variété quand même extrêmement importante, extrêmement massive, avec aussi beaucoup de possibilités de ce côté-là et beaucoup de malléabilité, si on peut dire. Oui, et encore plus de possibilités maintenant avec tout ce dont tu nous as parlé. Oh oui! Oh oui, puis ça se limite pas au vélo non plus. Les recherches, on s'entend, il y en a sur les casques. Il y a même, si on pousse un peu plus loin, là, je pense que c'est l'année dernière à Milan, on a présenté un prototype de vélo équipé avec des projecteurs laser qui tracent sur le sol des signes lumineux pour que les automobilistes respectent la distance de sécurité. Moi, c'est sécuritaire, ça. J'aime ça. Oui. Et sinon, il y a même sur le casque, il y a un live beam où on peut surveiller le rythme cardiaque des cyclistes aussi. OK. Donc non, c'est tout ce qui est équipement cyclable peut passer par là. Je pense que la grande question, c'est de savoir est-ce que là-dedans, ça peut être potentiellement commercialisable. C'est quoi le coût associé au bout du compte pour mettre en place ce type d'initiative-là, ce type de proposition, et est-ce que au niveau du coût, ben ça va rester abordable, ça va devenir abordable, et est-ce qu'il y a assez de demande aussi pour ce type de gadget-là pour que ce soit abordable. Il y a beaucoup de projets que j'ai mentionnés qui ont terminé il y a quelque temps des campagnes de socio-financement, par exemple. Donc, pour essayer de financer la mise en application, le développement de ça, c'est aussi, d'une certaine manière, pour les gens qui développent ce type d'application-là, ce type d'outil-là, ben, de voir s'il y a véritablement une demande pour ce qu'ils ont imaginé. Mm-hmm. Mais Raymond, est-ce qu'on retrouve sur le site de l'ITIS des liens pour aller voir ces différentes innovations, d'un coup, que ça nous inspire là, pour pimper, en bon français, son vélo? Oui, en fait, on peut retrouver ça sur itis.laval.ca. On peut retrouver ça aussi sur le site de Proximum Mobile, donc proximummobile.fr. Tout simplement, cherchez l'essor du vélo connecté. Vous allez retrouver mon petit inventaire. Raymond Poirier, merci beaucoup. On se reparle la semaine prochaine. Parfait. Merci, au revoir. Alors, Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'ITIS à l'Université Laval, il nous parle de technologie d'information à toutes les semaines, à tous les lundis.